En vérité, mademoiselle, on ne saurait vous excuser. Attendez-vous qu'il vienne un prince? Sans vanité, voici mon apprentissage en fait de refus. Je ne connaissais pas cet affront-là. Vous savez, belle Angélique, que je vous ai d'abord consultée sur ce mariage. Je n'y ai pensé que par zèle pour vous et vous m'en avez paru satisfaite. Oh oui, monsieur. Votre zèle est admirable. C'est la plus belle chose du monde. J'ai tort, je suis étourdie, mais laissez-moi dire. À cette heure que ma mère n'y est plus et que je suis un peu plus hardie, il est juste que je parle à mon tour. Et je commence par vous, Lisette. C'est que je vous prie de vous taire, entendez-vous? Il n'y a rien ici qui vous regarde. Quand il vous viendra un mari, vous en ferez ce qu'il vous plaira sans que je vous en demande compte. Et je ne vous dirai point sottement, ni que vous êtes né coiffée, ni que vous attendez un prince, ni que vous êtes trop heureuse, ni d'autres propos si ridicules que vous m'avez tenus sans savoir ni quoi ni qu'est-ce. Sur sa part, je devine la mienne. La vôtre est toute prête, monsieur. Vous êtes honnête homme, n'est-ce pas? C'est en quoi je brille. Vous ne voudrez pas causer du chagrin à une fille qui ne vous a jamais fait de mal? Cela serait cruel et barbare. Je suis l'homme du monde le plus humain. Vos pareils en ont mille preuves. C'est bien fait. Je vous dirai donc, monsieur, que je serais mortifiée s'il fallait vous aimer. Le cœur me le dit. On sent cela. Non que vous ne soyez fort aimable, pourvu que ce ne soit pas moi qui vous aime. Je ne finirai point de vous louer quand ce sera pour une autre. Je vous prie de prendre en bonne part ce que je vous dis là, j'y vais de tout mon cœur. Ce n'est pas moi qui ai été vous chercher, une fois. Je ne songeais pas à vous. Mais si je l'avais pu, il ne m'en aurait pas plus coûté de vous crier « Ne venez pas » que de vous dire « Allez-vous-en ». Comme vous me le dites. Oh, sans doute, et le plus tôt sera le mieux. Mais que vous importe, vous ne manquerez pas de fille. Quand on est riche, on en a tant qu'on veut à ce qu'on dit. Au lieu que naturellement, je n'aime pas l'argent. Moi, j'aimerais mieux en donner que d'en prendre. C'est là mon humeur. Elle est bien opposée à la mienne. À quelle heure voulez-vous que je parte? Oh, vous êtes bien honnête. Quand il vous plaira, je ne vous retiens point. Il est tard à cette heure, mais il fera beau demain. Mon grand ami, voilà ce qui s'appelle un congé bien conditionné. Et je le reçois, sauf vos conseils qui me régleront là-dessus, cependant. Ainsi, belle ingrate, je diffère encore mes derniers adieux. Quoi, monsieur, ce n'est pas fait? Pardi, vous avez bon courage. Notre ami n'a guère de cœur. Il me demande à quelle heure il partira et il reste.